Le Mirage par Hélène Picard. Ce fut comme un jeu dans ce calme salon de province. Un petit enfant, avec la naïveté de sa main tendue vers la fenêtre, avait fait naître ce divertissement. « Je voudrais être un papillon !» avait-il crié. « Moi, avait dit alors une jeune femme maligne, bavarde et charmante, coiffée en lumière et en folie, je voudrais être un escargot. » Ah, ne pensez à rien dans l'épaisseur de la vigne, bouder au soleil au fond d'un vieux tesson de bouteille, courir à la pluie, faire des dégâts silencieux et aveugles sous la fraîcheur de la lune, se retirer chez soi la moindre alerte, risquer au dehors un bout de corne pour y voir clair, s'engraisser dans sa coquille et son imbécilité au milieu d'un chou. On la trouvait amusante. Il continuait de faire la coquette en faisant la nigode. On riait, un escargot. Elle qui était tout en chanson, en ailes et en épines, comme une cigale, une pie et une rose. Une bambine de 4 ans que les malheurs du petit Poucet n'avaient pas attendri souhaita d'être un ogre. Et une jeune fille au front sévère et pur, au front étroit et lisse, de vierge provinciale, jeta à Don Juan, elle qui venait de pleurer sur sa première blessure d'amour, sa suprême rancune ou sa suprême dévotion, puisqu'elle lui envia son cœur maudit et ses beaux yeux cruels. Un gros notaire, réjoui et frais comme un bailli d'opérette, se vit en Néron ensanglanté par le soleil de Rome. Un vieil avare qui pratiquait l'usure se campa en reine de Saba. Il y eut une Ophélie noyée, une Catherine de Médicis empestée d'intrigues et de parfums, un Mercure aux ailes de métal, un âne, un savant, un petit lapin au derrière fourré d'hermine, un cartouche généreux, poseur et théâtral, et même un nain de la forêt aux poches bourrées de châtaignes. Et ce fut amusant et bariolé comme une image d'Épinal. Tout cela semblait bien innocent, mais la vivacité dont s'était tout à coup enrichie parmi ces enfantillages, la physionomie un peu terne et lasse de la plupart de ces provinciaux, prouvait que presque tous avaient leur nostalgie, portaient leurs regrets, sentaient leur fatigue d'être toujours ces mêmes habitudes dans une étroite maison, cette même ombre têtue et routinière dans une petite ville, ces mêmes vertus et ces mêmes vices revêtus d'une livrée sans faste et sans couleur. Madame Simon seule n'avait rien dit, et cette femme de 43 ans, qui lisait beaucoup et qui parlait peu, cette femme avec ses épaules carrées et pesantes, sa taille informe, ses jambes que l'ankylose menaçait, son visage violent et silencieux, son air volontaire et réservé, sa douceur pleine de complaisance et de dignité en imposait, peut-être. On lui cria « Et vous, Madame Simon ?» Alors, simplement, gravement, les mains énormes et calmes dans des gants de fil raccommodés, de sa large bouche âpre et bonne, elle dit « Moi, j'ai toujours rêvé d'être une danseuse, une belle, longue et maigre fille de l'Opéra de Paris. J'ai rêvé de splendeur, de perdition et de rose. Toute ma vie, depuis mes 15 ans, je me suis vue en maillot, en tutu de tarlatane, de tulle ou d'organdi. Toute ma vie, je me suis vue les bras nus, les épaules nues, fardées, au milieu de 300 000 francs de diamants, rousse comme une impératrice, du soleil aux aisselles, de la musique, de l'insolence et de la gloire plein les yeux. Je me suis mis la main à la bouche pour le baiser, mon pied prêt à perdre son escarpin comme le papillon son aile et voltigeante, palpitante et tiède, tenant au bout de mon orteil la fortune des banquiers fameux, l'orgueil de toute une jeunesse impure, aristocratique et dorée, et même les secrets d'État du Second Empire. Le premier ballet que l'on m'amena voir me fit riche du rêve qui ne vous quitte plus et pauvre du désir qui ne se réalise jamais. J'étais alors une adolescente lourde et enthousiaste, de sang épais et généreux. J'étais laide, puissante et imaginative, et je ne pensais plus qu'à des tourbillons de mousseline dans des corbeilles de lumière, qu'à des loges louées à prix d'or, les soirs où les jambes savantes et légères de telle Salomé célèbre devaient danser pour les Hérodes de la finance et du plaisir. Et mon rêve dure sans fin. Les soirs de mélancolie, quand la lampe fume un peu dans notre salle à manger où mon mari a placé son bureau, et tandis que je balaye les mites pains sèches ou que je racle les taches d'encre, je pense à la danseuse que je fus, que je suis toujours. Je me vois emportée dans mes triples petites jupes empesées et folles. Je tourne, je ris, je vole, je tombe, je me relève, les bras en arceaux sur ma tête renversée, une rose aux dents. J'évoque cet aimalivri qui brûle à vivre dans ces volants de ballerine. Il y a une musique menue, mineure et décroissante qui dit sa mort. Ne connaissez-vous pas ce morceau? Il porte son nom. Le solo de flûte pleure sur cette destinée tourbillonnante et maudite, cette fin d'éphémère, à une lampe, un soir de printemps. Et je danse encore. Et des millions, des désespoirs, des désirs, des destinées dansent avec moi. J'ai troublé pour la vie telle jeune provinciale, fait répudier la maîtresse illustre d'un prince du sang, torturé les adolescentes sans beauté et sans argent qui deviennent des Madame Simon. J'ai fait battre des cœurs et se briser des éventails. Et parce que j'ai valsé comme une feuille de neige, un amour s'exaspère, un malheur est consommé. La plus jolie modiste du parterre répond oui au serpent doré de Paris qui rampe à ses pieds fragiles, une couronne de marquise est posée dans une loge, sur un virginal bouquet de lilas. Toute une salle, tout un monde, suit les oscillations de mon caprice aérien, de ma fantaisie ailée. Et j'ai fait de la magnificence et de la grâce. J'ai ému les violoncelles et le rythme éternel. Et c'est par moi que les Mesdames Simon ont emporté, dans leur province, ce bienfaisant amour d'une illusion et d'un beau souvenir. Madame Simon était sincère. On ne pensait pas à rire dans le salon crépusculaire et mélancolique. Même, comme Madame Simon ajouta, « Il faut que j'aie faire dîner mon mari. Je n'aime pas cuisiner le soir. Mais depuis 23 ans que je suis marié, les servitudes du ménage deviennent de bonnes, de chères habitudes. » Elle se leva, grosse et courte, noble et simple, et elle nous fit le salut modeste et fier d'une femme pauvre, mais vêtue de noir. C'était Le Mirage, par Hélène Picard.